plus 40 km, ils en font 200. Alors, assure un vélo. J'ai été faire natation une heure, pas plus parce que j'étais en retard.